les hommes sont arrivés, ceux qui sont arrivés en hélico, on a pris. À ce temps, moi, j'étais reparti dans un autre pays pour faire certaines choses que eux-mêmes, ils m'ont envoyé d'aller faire. Pour dire vrai, moi, je n'ai pas voulu faire ça. J'ai contacté certains gouvernements d'un pays. Je les ai dit de ça. Je les ai parlé de ça. Et comme le gouvernement de ce pays-là est complice, c'est retombé sur moi. Afrique Média, le monde, c'est nous.